Yeah.

Sortir va faire moi, soit toi aussi. Eh bien, de faire, de faire, de faire, de pas de faire. Aujourd'hui, de faire, c'est comme ça aussi. Mais c'est pas le. Derrière, derrière, aussi, aussi. Come on, you love. Don't yell, no. Yell, no, yell, no, yell, no. Don't yell. So die. On day, Susie, turn your yell, ham, love. There's some. Feed up. About the shoe. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. On va faire un tout nouveau morceau qu'on a joué une fois. En répète. Mais qui est très calme. Was 3 jaar oud bijna. En ik kan al lopen en springen en tieren tuiten. Nu ook hoor. Thank you. Thank you. million. Un million. Donc ouais, Classical Music ensemble, merci beaucoup et merci infiniment à Jonas de nous avoir invités et à la Rue du Nord. On était très contents d'être là, merci beaucoup. On vend des CD aussi à l'entrée si jamais il y en a que ça intéresse. Voilà.